Chapitre 21. Savary, pâle, défait, incapable d'avoir une idée, sortit machinalement au bout de quelques minutes du salon où Julien l'avait laissé seul. Il ouvrit la porte et descendit l'escalier en se retenant à la rampe car ses jambes ne le soutenaient plus. Arrivé dans la rue, il prit le chemin qui conduit au boulevard. Il s'appuyait contre les murailles comme un homme ivre et chancelait à chaque pas. Ces mots terribles, « Je suis la veuve de Maurice Vidal », bourdonnait continuellement à ses oreilles, il les voyait écrits devant lui en lettres rouges comme du sang. Chacune des lettres qui composent ces mots avait une hauteur prodigieuse et semblait lui barrer le passage. L'une d'elles changea tout à coup d'aspect, prit une forme humaine et se dressa devant lui. Il crut apercevoir distinctement Maurice Vidal qui tendait le bras et lui ordonnait de s'éloigner. Au coin du boulevard et de la rue de Gramont, il fut ébloui. Une large guirlande de lumière courait de maison en maison. Une foule immense circulait de toutes parts. On agitait des drapeaux, des transparents allégoriques. On riait, on chantait. La joie était peinte sur tous les visages. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Appuyé contre les volets d'une boutique fermée, il regardait d'un air hébété la foule qui circulait en tous sens devant lui. On le poussait, on le heurtait, il ne s'en apercevait pas. Tout à coup, un homme maigre, petit et pâle, le saisit par le bras et lui dit « Albert Savary, au nom de la loi, je t'arrête !» Savary, sans faire un mouvement, un geste, sans essayer de dégager son bras, baissa les yeux sur son interlocuteur, le reconnut et répondit tristement « Je ne suis pas en ce moment disposé à plaisanter. Mais je ne plaisante pas, dit le petit homme pâle. Je vous arrête comme étant l'assassin de Maurice Vidal. » Rien ne pouvait étonner Savary. Il ne tressaillit même pas et se borna à dire « Qui êtes-vous donc, monsieur ?» « Je suis agent de police et je m'appelle Bibert. »« Ah, je comprends, » fit Savary, qui recouvrait peu à peu l'usage de sa raison. « Vous n'êtes pas plus le comte de Rubigny qu'elle n'était votre parente. »« C'est cela, » répliqua l'agent de police. « Me suivez-vous sans que je sois obligé d'employer la violence ?»« Un instant, » dit Savary, toujours impassible. « Pourquoi dites-vous que je suis l'assassin de Maurice Vidal ?»« Parce que vous venez de l'avouer. À qui donc ? À sa veuve, parbleu. »« Ah ! » s'écria-t-il. « Elle m'a déjà dénoncé. » Rien ne peut rendre l'accent avec lequel il prononça ces mots. Ce n'était pas un reproche qu'il faisait entendre, ce n'était pas une plainte. C'était le cri d'un cœur brisé. Un agent de police ordinaire eût été attendri. Un rival malheureux ne pouvait pas l'être, et Bibert n'essayait pas de détromper Savary. « Partons, » dit l'agent de police. « Partons, » dit Savary résigné. Que lui importait maintenant la prison et l'échafaud ? En ce moment, une longue colonne descendait les boulevards, beaucoup plus nombreuse que toutes celles qu'on avait vues circuler dans Paris pendant la soirée. Elle était composée d'étudiants, de gardes nationaux, d'hommes en blouse, de femmes et d'enfants. Elle venait du faubourg Saint-Antoine et se dirigeait tumultueusement vers la Madeleine en chantant des chœurs patriotiques et en agitant des torches, des lanternes tricolores et des drapeaux rouges. Vibert et Savary, trop agités pour prendre garde à ce qui se passait autour d'eux, n'avaient pas vu venir cette colonne. Ils se trouvèrent tout à coup heurtés, séparés et entraînés. Vibert, qui voulait se débattre et résister au courant, fut bientôt rejeté sur les côtés au dernier rang de la foule. Savary, au contraire, ne fit aucune opposition, resta en tête et se laissa pousser par le flot tumultueux. Bientôt, la masse populaire, grossie de toutes les bandes qu'elle rencontrait sur sa route, se trouva à quelques pas du poste qui gardait le ministère des Affaires étrangères. Le commandant de ce poste, composé de 200 hommes, donna l'ordre à sa troupe de se former en carré. La colonne, poussée en arrière, poussée sur les côtés, ne put s'arrêter et s'avança toujours. Les soldats du carré croisèrent la baïonnette. « C'est une infamie » cria-t-on de toutes parts. « Nous sommes trahis !» Un coup de pistolet, parti on ne sait d'où, retentit. Aussitôt les soldats, se croyant attaqués, épaulent leurs fusils. Une décharge à bout portant frappe la foule. Une soixantaine d'hommes sont étendus par terre. Plus de 30 ont été tués sur le coup. Le sang coule à flot. Quand le premier moment de stupeur est passé, on songe à secourir les blessés. On les porte dans les maisons et les pharmacies voisines. En même temps, s'avance un chariot attelé d'un cheval blanc. On y entasse les cadavres, on les éclaire avec des torches, et le funèbre cortège parcourt Paris au cri mille fois répété de « Vengeance ! Vengeance ! On égorge le peuple !» Savary, qui se trouvait au premier rang de la colonne, a été atteint. Il est mortellement blessé. Transporté sous une porte cochère du boulevard, Il fait signe aux personnes qui l'entourent qu'il veut parler et on se penche sur lui. « Portez-moi rue de Gramont, » dit-il d'une voix suppliante, « je veux revoir quelqu'un avant de mourir. » Deux hommes du peuple, deux de ces hommes qui se dévouent à toutes les infortunes et se laissent toucher par toutes les prières, improvisent une civière, y étendent le blessé et se mettent en marche. Un enfant les suit, il tient à la main une torche qui éclaire la poitrine sanglante de Savary et son beau visage que la mort embaille déjà. Tout le monde se découvre sur leur passage, les femmes pleurent, les hommes crient « aux armes !» Il est environ minuit, le rappel et la générale s'entendent au loin, toutes les églises sonnent le tocsin. Les hommes qui portent Savary et l'enfant qui les suit avec sa torche s'avancent lentement au milieu de toutes ces rumeurs. Arrivé devant une maison de la rue de Gramont, le blessé se ranime et fait signe d'arrêter. On frappe à une porte cochère, on monte au troisième étage, on agite vivement la sonnette. Mais personne ne répond. L'appartement est maintenant désert. Julia, éperdue à la suite de la révélation qu'on lui a faite, s'est enfuie depuis une demi-heure avec Marietta. Savary ne veut pas qu'on le transporte chez lui. Et après une courte agonie, il expire à la porte de sa maîtresse en murmurant son nom.